Et on n'a pas de données. Mais on voit dans l'ensemble de la deuxième épître que Paul se fait du souci pour Timothée. Il se fait du souci pour son état spirituel. Pas malgré qu'il va y parler son mal d'estomac, là, mais ça, c'est surtout spirituel pour lequel il s'en fait. Et il veut l'encourager. On va voir un peu plus loin, il va dire « Lâche pas, Timothée. Non, persévère, Timothée. Lâche pas. » Donc, faut lire le livre dans cette optique-là. Je vous ai parlé il n'y a pas tellement longtemps que John MacArthur avait fait une série sur la déconstruction de l'Église. Je pensais que c'était juste lui, mais j'ai fait une recherche ces derniers temps sur la déconstruction de l'Église en Amérique du Nord, puis il n'est pas le seul. Ça fait une dizaine d'années qu'aux États-Unis, on parle qu'on emploie cette expression-là, la déconstruction de l'Église. Il essaie de donner les raisons, pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qui est arrivé, comment est-ce qu'ils auraient pu voir venir ça, pourquoi ils ne s'en ont pas rendu compte avant de voir que c'était rendu là. Et c'est intéressant de voir que l'Église est un peu comme une grenouille qu'on met dans l'eau froide et qu'on fait chauffer l'eau tranquillement. Hein, vous avez tout entendu l'histoire. Tu peux la faire bouillir parce qu'elle ne sortirait pas de la panne parce qu'elle ne se rend pas compte. Et l'Église est un petit peu comme ça. Puis dans nos vies, c'est un peu pareil aussi, personnellement. On ne s'aperçoit pas qu'on est en train de changer. On peut prendre notre âge. On ne sait pas. Quand on se regarde, dans le miroir, on peut voir qu'on a changé. Mais on ne s'aperçoit pas vraiment qu'on change. Puis les gens qui nous voient, qui ne nous ont pas vus depuis 20 ans, ils disent « Oh, il a vieilli, tu sais. » Nous autres, on s'est vu hier, on n'a pas trouvé qu'on avait vieilli tant que ça. Mais c'est un petit peu comme ça là, dans l'Église. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être comme ce que l'apôtre Paul, Pierre va dire, lui, il faut avoir dans l'Église des surveillants, il appelle ça même des évêques ou des gens qui surveillent, pour être conscients de ces choses-là, qui vont être plus à l'écoute de ces choses-là, pour pouvoir faire face à ces choses qui se passent dans l'Église. Si vous allez lire l'histoire de l'Église, à un moment donné, vous allez voir si ça se passe de même dans l'Église. L'Église, elle se rend compte la plupart du temps quand il est trop tard. C'est un peu comme ça dans notre société. On se rend compte que, il va falloir changer notre pratique de vie parce qu'on est rendu qu'on manque d'eau, mettons, exemple. Mais on aurait dû le voir venir, mais on ne s'en est pas rendu compte parce qu'on est endormi par les habitudes de vie. Donc, l'apôtre Paul, on a vu la semaine passée qu'il a parlé du passé, son passé à lui et le passé de Timothée. Et notre passé influence notre quotidien, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas. Si on a vécu certaines choses en arrière, ça fait partie de notre bagage pour interpréter notre quotidien. On n'a pas le choix. On a de la misère à interpréter avec le futur parce qu'on le voit moins clair, mais avec le passé, on l'a vécu. On a l'expérience, on a les douleurs qui accompagnent. Mais un peu pareil, Paul, il dit, lui, il prend le temps de dire, « Je rends grâce à Dieu que j'ai été élevé dans un peuple qui prêchait la parole de Dieu. » Même s'il y avait des erreurs dedans, même si c'était... On pourrait rendre grâce, nous, qu'on ait été élevé catholique, pas mal mieux que d'avoir été élevé dans le paganisme complètement de travers, qui nous aurait amené, je ne sais pas quoi, d'autres, dans l'idolâtrie et de faire mourir nos enfants, ou je ne sais pas quoi. On était jusqu'à certain point privilégié parce qu'on a entendu certaines vérités. Oui, il y avait de la fausseté, mais il y avait certaines vérités qui ont été acquises, qu'on n'a pas été obligé d'être convaincu. C'était là. Et Paul, il fait la même chose, il dit, mes ancêtres ont servi le Dieu que je cherche encore aujourd'hui. Ce n'est pas un autre Dieu. Là, je le comprends mieux. Là, je saisis mieux qu'est-ce qu'il veut, ce Dieu-là, mais c'est le même Dieu jusqu'à certains points. Donc, il dit à Timothée, mais toi, ta grand-mère, ta mère ont été chrétiens avant toi, c'est ce qu'on pense. Donc, tu es élevé dans un foyer croyant de chrétiens. C'est ça qu'il va dire un peu plus bas, souviens-toi des Écritures qui t'ont rendu sage à salut. Donc, tu as été élevé là-dedans. Donc, ça donne un avantage à Timothée et à Paul. Mais à cause de son passé, il va l'exhorter, basé sur le passé qu'il a vu. Parce que je ne peux pas t'exhorter si je ne connais pas d'où tu arrives. Tu sais, si tu marches à genoux, tu commences à te dire des affaires, puis hey, t'es un peu fou de te promener à genoux, qu'est-ce que tu fais là? Si je saurais que tu as eu un accident, tu as eu de la polio, mon exhortation changerait, puis mon poil aussi changerait. Donc, c'est Paul va faire des exhortations à quelqu'un qui nous a dit, je suis sûr, je suis persuadé que cette foi-là que ta grand-mère et ta mère ont eue, tu l'as eue aussi. Donc, de là, il va exhorter. Donc, si Paul n'aurait pas été persuadé de la foi de Timothée, de cette foi sincère, puis cette foi qui était, comme je dirais, vraie. T'sais, Paul semblait dire que la foi de sa grand-mère était valable. Ce n'était pas un évangile tout tordu, c'est ça qu'il dit. Donc, de là, je vais te parler. OK, de là, je vais te parler. Et c'est pour ça que des fois, avec les croyants, quand tu viens pour leur parler, tu es obligé de t'asseoir et de dire, mais tu viens d'où, toi? Dans quelle église tu étais sauvé? Ou dans quelle église tu as entendu l'Évangile? Comme vous savez, je vais voir Denis chaque semaine. Puis là, il parle de certaines personnes qui vont à l'église à Saint-Paul, qui viennent d'un milieu pentecôtiste. Et puis quand on entend les réactions de ces gens-là, mon Denis, lui, il tombe sur le cul à chaque fois. Voyons, donc, qu'est-ce que tu dis là? Tu sens pas dans la Bible, ça, c'est pas ça. Lui, il n'est pas capable de comprendre comment est-ce qu'un chrétien peut penser comme ça. Mais j'ai dit, parce qu'elle n'a pas été élevée chez l'Église baptiste. Elle a été élevée dans une autre église, une église pentecôtiste. Mais pour elle, c'est la normalité. C'est ça qui est normal. Et toi, c'est ça qui est normal pour toi. Mais ça ne veut pas dire que c'est normal, c'est vrai. Ça ne veut pas dire parce que c'est pas normal pour toi, c'est faux non plus. Là. Ça peut être vrai. Mais toi, tu trouves que c'est faux parce que tu n'as pas été éduqué comme ça spirituellement. Mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Non, c'est faux parce qu'elle ne pense pas comme moi. C'est ça, c'est ça que ça veut dire dans sa tête. C'est faux à cause de ça. Donc, de là, le verset 6, on va recommencer au verset 6 un peu. C'est pourquoi, OK? C'est pourquoi je t'exhorte. C'est pourquoi je te parle de même. C'est faut que je sois sûr que j'ai bien compris, Timothée, il vient de où, ce gars-là? Quel évangile il a cru avant? Paul, ayant vécu avec Timothée pendant des années, puis il a parlé avec lui, puis il a marché avec lui, puis il a prié avec lui, puis il a lu avec lui, puis en tout cas, il a évangélisé avec lui. Il sait ce que Timothée a cru jusqu'au moment où il l'a laissé à Éphèse, du moins. OK? Donc, nous, il faut se dire, qu'est-ce qui s'est bien passé à Éphèse pour que Timothée ait besoin de se faire dire ça. Parce que quand Paul l'a laissé à Éphèse, Paul est convaincu de quelque chose. Là. Mais là, tout d'un coup, 2, 3, 4 ans après, Paul voit que Timothée hésite. Il dit, à cause de ce que je sais de toi dans le passé, je vais t'exhorter. Donc, si je ne savais pas, je ne ferais pas ça. Mais je sais. Donc, il dit, je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Donc ici, je ne sais pas si je l'ai dit la semaine passée, c'était une tâche apostolique, je dirais. Paul a fait ça. C'était apostolique. C'est quelque chose qui était donné aux apôtres de faire. Certaines choses que les apôtres ont fait, que nous, on ne peut pas faire, on ne peut pas commencer à imposer les mains pour que les gens reçoivent des dons. Mais Paul a fait cela avec Timothée. Il faut donner de l'espace aux apôtres. On ne peut pas prendre tout ce que les apôtres ont fait que nous, on peut le faire automatiquement. Parce qu'il y avait une tâche que nous, on n'a pas à faire. Puis on a vécu la transition de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance. Ils ont fait la transition entre la venue du Saint-Esprit et le début de l'Église, la mise en place du Nouveau Testament. Donc, ce que nous, on n'a pas besoin de faire. Donc, Paul, il dit, je t'ai imposé les mains à un moment donné, et tu as reçu un don de Dieu. Donc, on a conclu que c'était le don d'évangéliste. Donc, tu as reçu un don de Dieu pour faire un œuvre. Et je crois que Paul l'a laissé à Éphèse parce que Paul sait que ce don-là. OK? qu'il n'aurait pas laissé quelqu'un d'autre qui n'avait pas la capacité et le don de faire la job qui lui a vu qu'il devait être fait. Je ne peux pas te laisser une place pour enseigner si je ne pense pas que tu as le don d'enseigner. Il va dire, moi, je ne peux pas le laisser là. Il n'est pas capable, il ne le fera pas. Là, donc, je présume que Paul a vu que l'Église d'Éphèse avait besoin d'un évangéliste, puis Timothée, c'était le gars qui avait ce don-là. Mais il lui dit, comme on a parlé un petit peu la dernière fois, de ranimer. Vous allez dans un hôpital, des fois, vous voyez des médecins ranimer quelqu'un, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe, parce que... Mais là, on n'est pas... Timothée n'est pas encore mort, je sais bien. Mais dans le sens qu'il a besoin de... Je ne sais pas si le mot ranimer, que vous le voyez, ranimer la flamme, c'est pas mort. Si c'est, je ne dirais pas la même expression, fais-toi un feu, Timothée, rallume ton feu, Timothée. Là, ranime, c'est plus souffler dessus, okay? C'est plus brasser les tisons peut-être, mettre des petits morceaux de bois dessus pour que ça reparte tranquillement. Ranime la flamme. Donc, Paul suppose, croit qu'elle est là, le feu est là. Mais il s'est passé quoi qui l'a amené à laisser le feu s'éteindre? Vous avez déjà entendu probablement l'histoire, on parle des chrétiens dans une église, un tison, c'est un beau tison rouge, vous le prenez, vous le mettez au côté du feu, il s'éteint, c'est pas long. Mais si vous le reprenez, vous le remettez au milieu, whop, il repart. Il n'est pas fait pour vivre seul, donc on ranime. Donc c'est quelque chose que, il s'est passé de quoi, puis c'est ça qu'il faut un peu découvrir dans l'Épître à Timothée. Qu'est-ce qui s'est bien passé dans la vie de Timothée? Je vous ai déjà dit, des fois, il faut prendre, des fois, quand ce n'est pas clair, il faut aller chercher l'exhortation pour comprendre le problème. Tu sais, si je prends la solution, je ne sais pas c'est quoi le problème, j'ai la solution, on va dire, ah, je comprends que la solution, ça peut être ça. Si je te mets 5 gallons de gaz plein au côté de ton auto, puis tu as un problème, on va dire, ben, peut-être la solution, c'est que mon char n'a plus de gaz. Va prendre le galon, me l'a vidé dedans. Parce que tu m'indiques que là, ton problème, c'est que tu n'as plus d'essence, puis je t'ai mis un 5 gallons à côté. Donc, les exhortations que Paul va faire à Timothée vont nous aider à voir qu'est-ce que Timothée a comme problème. Ça peut être, on appelle ça une logique inversée. Donc, je te donne pas juste une question. Tu n'as peut-être pas la question, mais je t'ai donné une réponse. Devine la question plutôt. Okay, donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut voir. Donc, il dit de le ranimer. Donc, moi, je trouve ça... Si je le vois négatif, c'est moins encourageant. Si je te dis de ranimer, c'est parce que je crois qu'il y a quelque chose que tu peux faire. Quelque chose que tu peux aller de l'avant. C'est qu'il y a encore de l'espoir. Tu n'es pas au bout de la corde. C'est pas comme il va dire à d'autres, « Ils m'ont abandonné pour l'amour du siècle présent. » C'est pas, ils m'ont tous quitté parce qu'il y avait toutes sortes de raisons. Mais ici, il dit ranime. Donc, dans nos vies chrétiennes, quand on s'aperçoit qu'on a baissé, je pourrais dire, en flamme, ben, il faut se dire, si Paul pouvait exhorter Timothée à se ranimer, je peux me ranimer aussi. Je peux prendre les mêmes choses, à peu près, les mêmes vérités, et ranimer la flamme que j'ai laissée s'éteindre tranquillement. Souvent, on a de la misère à comprendre d'où vient la source des problèmes qu'on a. Ça s'est fait tellement tranquillement, tellement subtilement, que des fois, on demande aux gens, pourquoi tu as ce problème-là? Ils ne savent pas, c'est pas toujours clair tout de suite. Ils vont me dire, c'est ça, ça, ça, ça. Je ne sais pas, ça a commencé dans ce temps-là, je ne sais pas trop. Puis, ils ne savent pas vraiment quoi. C'est pour ça qu'on a besoin de l'aide des uns des autres pour nous aider à faire ça. C'est-à-dire, Timothée, ici, a eu besoin de Paul pour le faire. Donc, si vous voulez ranimer le don que vous avez de Dieu, ou les dons que Dieu vous a donnés, ou les capacités, et que vous ne réussissez pas, trouvez-vous quelqu'un qui va vous aider à le faire. Parce qu'on a de la misère à avoir nos propres problèmes, des fois. Et quelqu'un pourrait vous dire, mais ça a commencé quand, pourquoi, et... C'est depuis quand? Sais-tu passé de quoi dans ce temps-là? As-tu vécu de quoi? T'es-tu rendu compte que ton interprétation n'était pas bonne ou tu as été déçu par quelque chose? Pour nous aider à peut-être voir qu'est-ce qui fait que j'ai perdu, j'ai laissé aller la flamme jusqu'à certains points. verset 7, car ce n'est pas un esprit. Voyez-vous, là, il donne un indice. Ranime-le donc, car la raison que je te demande de ranimer, je vais te donner la raison que je te demande de faire ça. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. À vous tout le mot esprit, le premier, là, car ce n'est pas un esprit. C'est à vous tout un petit E ou un gros E? Dans vos bibles? Petit. Il y a des bibles qui ont les gros E. L'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de timidité, un esprit de timidité qu'il nous a donné. Mais il nous a donné une autre forme. Que ce soit... Parce que quand on dit que Dieu, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est parce que Dieu m'a donné quelque chose. Mais il ne t'a pas donné un esprit de timidité. Il ne t'a pas donné quelque chose qui va te rendre timide. Qu'est-ce qu'on veut dire? Mais dans la deuxième esprit, dans la deuxième partie, avez-vous un gros E, non? C'est pour ça qu'il y en a qui mettent deux fois le gros E. Deuxième partie, dans le même verset. Dans le même verset. Oui. Oui, toi, tu as deux fois le petit. Deux fois le petit. Son esprit nous remplit. Non, tu dois avoir son esprit nous remplit. Tu dois avoir un gros E. Un esprit de timidité que Dieu nous a donné, un esprit de force, c'est des petits E. C'est deux petits E, toi? Oui. OK. Dans la mienne, c'est un gros E, la deuxième fois. Dans la première, c'est. Donc, mais je crois que l'auteur. Je crois qu'il faut comprendre que Dieu nous a donné quelque chose. Peu importe. OK? Dieu nous a donné quelque chose. Le mot esprit, vous savez comme moi, c'est souvent l'équivalent de la puissance de Dieu. Quand on parle de l'esprit de Dieu, c'est souvent la puissance. Et donc, il dit automatiquement, Dieu t'a donné quelque chose, mais c'est ce qu'il t'a donné, ça ne devrait pas te rendre timide. Okay? Peu importe, c'est comment vous l'interprétez. Il ne t'a pas donné quelque chose pour être timide. Il t'a donné quelque chose pour être rempli de force, d'amour et de sagesse. Et l'apôtre Paul est le seul, à part de l'apôtre Luc, qui emploie cette expression « rempli de ». Luc emploie souvent « rempli de son esprit » et « rempli de son esprit ». Paul ne l'emploie pas souvent, une fois dans Éphésiens, puis une fois ici. Donc, il dit... Son esprit nous remplit, ça c'est une expression assez équivalente que si je mettrais un gros E. Parce que son esprit agit. Donc c'est. Mais ce que Dieu t'a donné, là, c'est supposé te rendre fort, d'avoir de l'amour et d'avoir de la sagesse. Appelez comme vous voulez. Mais c'est quelque chose qui vient de Dieu. Ça vient pas, c'est pas mon esprit, là. Ça vient de Dieu. Donc, automatiquement, il dit, Dieu t'a donné quelque chose, Timothée. C'est pour ça que je trouve ça un peu bizarre que tu sois timide. Et oui, au verset 6, là, je trouve ça, tu es un peu... ranime la flamme, je ne comprends pas. Parce que je suis obligé de dire que ce que Timothée vit au verset 6, c'est le contraire du verset 7. S'il n'avait pas été timide, puis il aurait été plein de force, puis il aurait été plein de sagesse, mais il n'aurait pas besoin d'y dire. Donc, c'est comme si Timothée aurait arrêté d'utiliser ce que Dieu lui avait donné, l'Esprit de Dieu, ou cette puissance-là, cette force-là. Il l'a oublié. Quand tu oublies ça, tu agis comment? Dans la chair, un peu plus. Donc, il dit, je comprends pas, parce qu'il dit, que je sois obligé de te dire de ranimer, parce que ce que tu as reçu, c'est supposé d'être une grosse flamme, là. C'est quelque chose de fort, de puissant. Et est-ce que la force, l'amour, la sagesse, est-ce que ça vient de l'esprit de Dieu? Vas-y, Gaël. Juste te dire, François, dans la version qu'on parlait vendredi, c'est dit différemment. Oui, vas-y donc. Ça dit, car l'esprit que Dieu nous a donné. C'est un gros E, là? C'est un gros E. Mm-hmm. Nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous a appris de force, d'amour et de maîtrise. Mais les deux, c'est avec un gros A, puis c'est comme s'il dit, c'est l'Esprit que Dieu nous a donné. Oui, le Saint-Esprit, on pourrait dire. Parce que lui, il interprète, lui, il prend position. Oh. Okay? Le gars, c'est, dans cette Bible-là, il prend position, puis il dit, c'est ça que c'est. Mais dans le grec, vous savez qu'il n'y a pas de lettre majuscule. Donc, c'est toi qui dois décider si tu mets un gros E ou pas, parce que c'est le contexte qui va te dire de quoi il parle. Mais la plupart pensent que celui qui peut remplir un croyant de force, d'amour et de sagesse, ben, c'est l'Esprit de Dieu, en général. Ou Dieu lui-même qui nous donne quelque chose, sa grâce, sa force, sa puissance. Mais ça veut dire que le croyant, quand il est plus rempli de force, ou qu'il est plus rempli d'amour, ou qu'il est plus rempli de sagesse, ça manifeste quelque chose. Je ne peux pas dire « je ne l'ai pas », parce que ça m'a été donné, je l'ai. À moins qu'on dise que, comme on a déjà dit dans le passé, on peut l'éteindre, puis on peut l'allumer, puis on peut l'écraser, puis on peut c'est on ferme la champlure, puis on rouvre la champlure, puis on ferme la lumière, puis on allume la lumière. Mais c'est si l'a donné, si c'est l'Esprit de Dieu, c'est une personne. Ça veut dire quoi? Si je l'ai, puis que je suis timide, je l'ai, cet Esprit, mais j'agis comme si je ne l'avais pas. C'est ça qu'il est en train de me dire, je pense. Timothée, il dit, tu agis drôlement, pour quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu, qui est rempli de force. Et pour moi, je crois que l'Esprit de Dieu vient dans le croyant avec toute sa force. Il ne vient pas avec une... Première année, tu en as 2%, la deuxième année, tu en as 3%, la cinquième année, tu en as 15%. Puis ça augmente en s'en allant. Non, il vient en tant que personne. Et il veut nous remplir de sagesse, de force, d'amour, pour pouvoir... agir. Ici, c'est l'amour, je dirais, c'est-tu l'amour pour les croyants ou c'est l'amour pour Dieu lui-même? C'est la sagesse, c'est quoi? C'est-tu savoir comment faire des choses de ce monde ou c'est la sagesse comment agir en tant que croyant? Bon, c'est plutôt ça qui parle. Donc, tu vois, donc le croyant, il faut se répéter, pas obligé quotidiennement, mais souvent, que nous avons cela. On ne peut pas dire qu'on ne l'a pas, on l'a. Donc, si ça ne marche pas, il faut se poser la question, pourquoi que je vis une vie chrétienne timide? Pourquoi est-ce que je n'ai pas l'amour de Dieu? Pourquoi est-ce que je n'ai pas la sagesse? Donc, si ça vient de Dieu, je devrais l'avoir. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est intéressant de se poser la question. Je me suis fait une feuille chez nous avec des colonnes. Puis j'essaie de voir, j'ai marqué un bout, Timothée au verset 5, puis Timothée au verset 6. J'ai mis des points entre les deux. Qu'est-ce qui a causé ça? Là, en lisant l'épître à Timothée, puis en étudiant, j'essaie de voir qu'est-ce qui a causé cette relente. C'est pas l'esprit qui a décidé qu'il est parti en vacances, là. C'est pas l'esprit qui a décidé que, bon, ben là, il n'est pas gentil, fait que je vais faire. Non. Il y a quelque chose qui vient de Timothée, parce qu'il ne dit pas, demande au Saint-Esprit qui te ranime. Il dit, ranime-toi la flamme. Donc, c'est quelque chose que lui doit faire. OK? Donc, ce n'est pas juste qu'il doit dire, je vais prier qu'il me ranime. Pas tout à fait. Je crois qu'ils vont être impliqués dans le fait que tu vas revenir, mais c'est pas, il ne peut pas juste te dire, je m'en débarrasse, j'ai prié Saint-Esprit, donc si ça ne marche pas, c'est de sa faute. Il ne peut pas faire ça. Est-ce qu'on peut penser ici que Timothée avait arrêté d'évangéliser ou qu'il avait été influencé par... Je dirais qu'il aurait... Si je parle de qu'il a arrêté d'évangéliser, ça serait à l'intérieur de l'Église, ce n'est pas à l'extérieur de l'Église. Okay. Parce que toute l'épître, la première épître et la deuxième, ça a rapport avec l'Église. Mm-hmm. Donc, ça a rapport avec l'Église, mais surtout avec ça. Dans la deuxième, c'est surtout Timothée. Donc... on va le voir plus loin. Il va le dire. Reprends, exhorte, censure, c'est dans l'Église que ça se passe. Mm-hmm. Donc, je crois que Timothée hésitait de faire ça. Okay? Donc, il n'osait plus dire, c'est pas vrai ce que tu dis là. Mm-hmm. C'est pas vraiment l'Évangile que tu enseignes là. Don Carson, ce matin, contait une histoire. C'était, en tout cas, si je l'avais déjà entendu, je l'avais oublié. Il s'en va, Papa Gouné, en tout cas, il s'en va dans un pays asiatique pour quelques semaines pour aller. Il va rejoindre un groupe de traducteurs de la Bible qui font partie de l'association Wycliffe. Les autres, ils traduisent la Bible du grec dans la langue du pays dans lequel ils sont. Puis lui, il va là, c'est pour vous dire avec la connaissance qu'il peut avoir, parce qu'il va aider ces gars-là. Tellement lui, il est connaissant de la langue grecque et de la culture. Il dit, pendant qu'il est là, il dit, on ne peut pas passer aux côtés, on fait un peu de pastoral, on rencontre les chrétiens, on parle avec les pasteurs, on parle avec les missionnaires, on parle avec les gens qui sont découragés. Puis il dit, à un moment donné, il parle avec un homme qui a été abusé chez eux, par ses parents, par son père, et il dit qu'à cause de ça, il y a beaucoup de misère à aimer Dieu, parce qu'on fait le lien entre mon papa de sur la terre, m'a pas aimé, donc j'ai de la misère à croire que Dieu m'aime. Puis il dit qu'avant que Don Carson aille dans ce pays-là, le monsieur dit, il y a un autre prédicateur américain qui est venu ici il y a quelques années, puis qui a dit, imagine là, ta naissance. Pas comme ça s'est passé vraiment, mais comme tu l'aimerais qu'elle se passe. Puis ça va t'aider. Fait qu'il dit, là, il dit, monsieur, imaginez que ma mère est en train d'accoucher de moi, puis Jésus m'a reçu dans le monde. Et là, je me suis senti aimé au point de pleurer, au point de. Et là, il dit, ma vie chrétienne a pris toute une autre allure. Et là, Don Carson lui dit, t'as pas pris la meilleure façon. Je ne parlerai pas de ce que tu as pris, mais dis, de pouvoir vivre ça, de voir que Dieu t'aime, la Bible ne t'encourage pas à imaginer quelque chose. Elle te demande de regarder la croix, puis c'est là que Dieu t'a aimé. Donc, il dit, d'avoir fait ça une fois, c'est dangereux, tu vas vouloir le refaire à chaque fois que tu as un problème, que tu ne comprends pas. Tu vas utiliser ton imagination au lieu d'étudier les Écritures. Mais Carson a été obligé d'avoir le guts de lui dire, c'est faux ce que tu crois là. C'est pas correct ce que tu as fait là. Donc, ça prend une espèce de courage, de force ici, là, que l'Esprit Saint est supposé te donner. Donc, d'être capable d'avoir assez d'amour, assez de force, assez de sagesse pour reprendre les gens, corriger ce qui n'est pas droit dans l'Évangile. C'est positif, puis qu'il y a le vent d'un voile, puis qu'il est réanimé, mm-hmm. Mais c'est pas bon. C'est pour ça que lui, je ne voulais pas non plus l'assommer, mais en même temps, je ne pouvais pas le laisser dans l'erreur. Puis en plus, c'est un missionnaire, c'est un gars qui va influencer d'autres personnes alentour, puis si je le laisse dans la main, il va pousser les gens à imaginer des choses pour se sentir bien dans leur vie chrétienne. Je ne peux pas laisser ça. Donc, il a peut-être perdu des plumes auprès du gars, là, avec le temps. Mais ça prend ce courage-là jusqu'à un point pour dire, avec amour, bien sûr, avec respect, il dit bien avec amour, respect. Mais c'est cela que l'apôtre Paul veut que tu... Timothée, je suis un peu surpris que tu sois timide, que tu sois obligé de ranimer la flamme, parce que l'esprit que tu as reçu devrait avoir produit en toi quelque chose d'autre. La force, de la puissance, de la force, de l'amour, de la sagesse. Et là, il s'est passé de quoi, Timothée? Là, on continue au verset 8. N'aie donc, n'aie point honte. Là, il dit, agis avec l'esprit que tu as reçu. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Donc, cette timidité-là, c'est le fait que son feu s'était presque éteint, ça s'est manifesté par le fait qu'il a commencé à avoir honte. Mais je vous dis bien, nous, on a souvent utilisé ça pour le témoigner, là. J'ai honte de témoigner aux inconvertis. Mais ici, c'est dans l'Église qu'on parle. Okay, de prendre position dans l'Église. Okay, de prendre position, puis c'est là que ça se passe ici, là. Okay? Donc, notre contexte, c'est ça. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur Jésus-Christ, ni à moi, son prisonnier. Parce que ça devait être un argument pour les gens qui étaient opposés à Paul, de dire, regarde ce qui est rendu, Paul. Il est en prison. Puis il pouvait se dire n'importe quoi par rapport à Paul. On le voit dans l'ensemble de la vie de Paul. Paul est toujours remis en question, soit par les Juifs, soit par les païens, soit par les non-chrétiens, soit par les Romains. Il est toujours remis en question. Donc, c'est pas évident de dire ce que je te dis là, ça vient de l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui me l'a enseigné. Ah, ouais. Oui, on voit bien ce qui est, lui-là, là. OK? On voit bien ce qui est de ton gars, là. OK? Donc, c'est... Il dit, puis n'est pas... Et de moi, son prisonnier. Donc, cette hésitation de Timothée, ce manque de flamme-là, si je peux dire comme ça, l'a emmené à avoir un peu honte de prendre une position pour le Christ et pour le Paul. Quand je suis avec mes frères et sœurs dans la chair, et que là, ils disent des choses, il y a toujours un moment d'hésitation pour voir, je vais-tu dire? Je vais-tu prendre? Il y a toujours un petit moment d'hésitation. Non, je ne crois pas ça, personnellement. Il y a toujours ce petit moment-là d'hésitation. Et des fois, le moment, il dure assez longtemps que tu ne dis pas rien, puis que ça continue, la conversation continue. Avez-vous déjà vécu ça? Il y a juste moi qui vis ça. Mais ça arrive des fois qu'on pourrait dire, je ne crois pas ça, je ne crois pas que c'est ça que Dieu dit. Mais on hésite, on a un sentiment de peur, de honte. Puis je crois que la honte qu'on peut vivre se manifeste différemment chacun de nous. Ça peut être différent de la façon qu'on peut réagir. Mais là, moi, je parle d'un inconverti. Okay? Mais c'est la même chose avec les chrétiens. Si je vois un chrétien qui dit quelque chose qui selon moi, est contraire aux Écritures, mais je devrais être capable de parler, de ne pas avoir honte, de dire « Seigneur Jésus n'a pas enseigné ça, il a enseigné ça » dans ce sens-là. Mais, verset 8, « Mais, souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Devant la souffrance, comment est-ce que tu as tendance à agir devant la souffrance? Pas dans « peut-être je vais souffrir », mais que tu sais que tu vas souffrir. Comment tu agis habituellement? C'est quoi ta réaction naturelle dans ton caractère, ta personnalité? Qu'est-ce que tu fais devant la souffrance? Parce qu'on va voir tout au long de l'épître, Paul il va dire à quelques reprises à Timothée « souffre avec moi ». Souffre avec moi. Je souffre, moi. Souffre avec moi. Puis il va dire, Jésus a souffert pour toi. Souffre avec moi. Souffre avec moi. Il va le dire à plusieurs reprises. Donc, la souffrance qui nous est infligée, ici dans notre contexte, à cause de l'Évangile. Tu sais, quand tu dis, je vais prêcher ce que Paul prêche, puis il est en prison, lui. Puis Paul va lui dire un peu plus loin, je te l'ai déjà dit, Timothée, pendant qu'il était avec moi. Si tu veux vivre pieusement, tu vas souffrir. Donc, c'est automatique, tu vas souffrir. Là, c'est plus, tu vas peut-être souffrir, tu vas souffrir. Et pour Timothée, est-ce que c'est ça qui fait l'hésitation? Est-ce que c'est ça qui l'amène à hésiter devant la prise de position qu'il doit faire pour Jésus-Christ et pour Paul? Donc, mais il dit, souffre avec moi, pour l'Évangile. Là, c'est pas pour n'importe quoi, là, c'est pour l'Évangile. Mais remarquez bien qu'il... La solution est dans la dernière partie du verset. Par la puissance qui est en toi. Tout à l'heure, l'esprit de force, l'esprit de sagesse, l'esprit d'amour. Fais-le par la puissance, par la chair. Par la chair, tu vas juste vouloir éviter. Tu vas devenir timide, tu vas te reculer, tu vas pouvoir... La chair, c'est ça qu'elle va faire. La chair, devant la souffrance, hésite. Bon, je l'ai vécu cette semaine. Tu recules quand on t'en parle. Tu dis, je ne veux pas vivre ça, moi. Ça, c'est, moi, c'est pour une autre raison. Quand on parle de souffrance, la nature humaine recule. C'est automatique. Il faut être une sacrée raison pour dire « j'y vais quand même ». Et si ce n'était pas des bonnes raisons, tu te fais juste reculer et tu te dis « non, je ne veux pas embarquer là-dedans ». Mais ici, quand tu dis « pour l'Évangile, pour la prédication de l'Évangile, pour la mise en place de l'Évangile dans l'Église et dans le monde, je vais accepter de souffrir. Délibérément, intentionnellement, je décide que je vais accepter la souffrance. » Ouf! C'est un autre monde, c'est une autre histoire. Mais après ça, quand tu prends la décision que tu vas accepter la souffrance, tu vas y aller dedans, ça change aussi l'idée. Ça change aussi l'idée. C'est pas juste que j'y vais parce que ma femme me pousse dans le dos, ou j'y vais parce qu'il y a un médecin qui me pousse dans le dos, ou j'y vais parce que l'Église me pousse dans le dos. C'est que toi, tu as pris la décision que tu y vas là, de plein gré, avec la connaissance que tu as, j'y vais. Ça change la mentalité, ça change l'approche. Bizarre, mais c'est les mêmes choses que tu sais, là. Mais le fait que tu as dit « je vais dans cette direction-là ». C'est-tu la puissance de Dieu qui donne... C'est-tu l'Esprit de Dieu qui donne la puissance d'accepter que tu vas souffrir? Oui. Puis de faire face. Pas juste accepter, mais quand elle va arriver, tu vas y faire face, tu vas y avancer. C'est pas de compter sur la puissance pour que quand ça va arriver... Tout va se placer. Non. Tu vas être attaché au mur avec des chaînes, un peu comme Paul, mais c'est pas toujours comme ça. On sait qu'on est évangélisé des fois, puis ça va bien, là. Mais en général, il dit par la puissance, souffrir pour l'Évangile, ça prend la puissance de Dieu. Souffrir pour ma santé, ça prend pas la puissance de Dieu. OK? C'est différent, les deux. Un, souffrir pour l'Évangile, ça prend la puissance de Dieu pour le faire. Et souffrir, là, il y en a qui prennent les mêmes décisions, puis ils souffrent, puis ils n'ont pas Dieu du tout dans leur vie, puis ils vont passer au travail pareil. Donc, c'est pas la même chose, les deux, là. OK? Souffrir, puis de dire, je vais utiliser ça pour la gloire de Dieu, puis je vais parler de Dieu pendant que je suis là, ça, c'est une autre histoire aussi, là. OK? Donc, comprenons-nous bien, là. Donc, la puissance de Dieu n'enlève pas la souffrance, peut m'aider à de dire, je l'accepte pour l'Évangile, puis en même temps, je compte sur sa force quand ça va arriver pour le vivre. Ça peut être ça aussi. Non? Mais c'est pas... Faut faire, comment je dirais bien ça? C'est pas instantané. C'est pas une baguette magique. Quand ça arrivera, le Saint-Esprit m'a donné de la force, puis ça va arriver comme ça. Non, ça se prépare. Ça se prépare. T'arrives pas... Je me souviens, quand j'étais allé faire le tour de la Gaspésie en vélo, il y a des gens là, qui... Je pense qu'il n'avait pas regardé la carte. C'était comme en grand, autour de la Gaspésie. Puis il y avait les montagnes qu'il y avait là, puis les buttes. Moi, il n'avait pas regardé. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait. Mais les premières journées, là, ils débarquaient, rendus au bout d'un heure ou deux, ils débarquaient. Puis et ils se faisaient embarquer dans des vannes, puis s'en allaient jusqu'au prochain point de repère. Mais il n'avait pas comme préparé. Il disait, j'en ai fait chez nous 50 km par jour pendant un mois pour me préparer à faire le tour de la Gaspésie. Puis, c'était comme pas préparé. Mais je crois que faut pas penser et dire ben il va me donner la puissance et je n'ai pas besoin de rien faire. Non, c'est pas tout à fait de même. On est assez vieux maintenant pour dire il y a deux mains. Hein? Il va m'aider, mais je vais réanimer mon don aussi, je vais le faire. Je vais réanimer mon don. Je vais faire ma part, puis lui va faire sa part. Regardons bien ce qu'il va dire à ça. Il nous a sauvés, verset 9. Il nous a sauvés et il nous a adressé une sainte vocation. N'as-tu qu'il y a le mot appel, là? Une sainte appel? Oui, un saint appel, car non à cause de nos œuvres, mais de son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc il dit, il nous emmène à penser que si on a reçu cet appel-là, si on a reçu ce don-là, si on a reçu cette puissance-là, c'est pas à cause de nos œuvres. C'est pas à cause de qu'on a fait, mais c'est selon son dessein, selon sa grâce. Il nous a donné en Jésus-Christ avant l'éternel. Là, il parle de l'élection, c'est ça que le texte nous parle. Avant ça, sans qu'il considère aucune œuvre, Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ. Donc, ce que l'apôtre est en train de dire ici, je ne suis pas en train de te dire à Timothée que tu dois gagner quelque chose. Ça ne va pas te donner quelque chose si tu fais ça, là. Tu ne vas pas gagner des galons, tu ne vas pas gagner une récompense, tu ne vas pas gagner une couronne de plus, tu ne vas pas gagner un étage de plus dans le ciel. Non, non, non, non. Ceci a commencé dans les temps éternels quand Dieu t'a élu en Jésus-Christ. C'est là que ça a commencé. Sans considérer aucune œuvre que tu as faite, Dieu t'avait choisi, il t'a appelé au salut. Et au verset 10, il dit, « Et qui a été manifesté, il faut retenir le principe, un des principes fondamentaux de l'interprétation des Écritures, c'est que l'Église ou notre vie chrétienne est un reflet de ce que, comment Dieu est. Tu sais, on est le reflet, on dit qu'on est l'image, le reflet de Dieu. On est... Dieu, dans l'éternité passée, il a fait de quoi dans sa tête ou dans son cœur, parce qu'il n'y a pas de tête, on pourrait dire comme ça, mais il l'a passé à l'œuvre. À un moment donné, il a fait de quoi pour sauver les gens. Il n'a pas juste dit, je planifie sauver François, mais à un moment donné, il faut qu'il sorte de son ciel pour venir sauver François. Ce n'est pas juste dans la tête de Dieu. Là, Dieu dit, ah, il est gentil, Dieu, ah, es-tu fin de m'avoir élu, puis es-tu fin d'avoir fait ça? Mais j'attends encore qu'il vienne pour le faire, le salut. Il n'est pas encore venu. Mais tant qu'il ne vient pas, on s'interpelle, on se pose la question, là. Vas-tu le faire? Mais là, il dit au verset 9, qui a été, ce qui avait été fait dans le temps éternel, dans le temps passé, a été manifesté maintenant, maintenant c'est au temps de Paul, au temps de Jésus, par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc il est venu, il est descendu du ciel, il est venu. Il est venu manifester l'amour qu'il avait, le plan qu'il avait, la sainteté qu'il avait, il est venu manifester qui il était pour qu'on puisse le voir, pour qu'on puisse le savoir, nous. Et quand il a fait ça, il a réduit la mort à l'impuissance et mis à l'évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Donc ça, il rappelle à Timothée qu'est-ce que Dieu a fait pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Tu sais, quand tu as de la misère à faire quelque chose pour quelqu'un, une des bonnes façons pour t'encourager, c'est rappelle-toi ce qu'il a fait pour toi, lui. OK, donc, absolument, ça stimule un peu. Et moi, il y a deux semaines, il y a un mois, là, ça peut être 5 ans, si on veut. Il a fait ça pour moi. Et ça va m'aider à dire, je vais aller, à mon tour, je vais aller l'aider. Et si j'oublie ce qu'il a fait pour moi, je vais grogner un peu. Il était hanté de m'aller de l'œil, blablabla. Mais si je me rappelle ce qu'il a fait pour moi, si je pense qu'il n'a rien fait pour moi, il va avoir de la misère à faire de quoi pour lui aussi. Là. Il n'a jamais rien fait pour moi, lui. C'est mon voisin, mais il n'a jamais rien fait pour moi, donc je n'ai pas tendance à vouloir faire de quoi pour lui. On voit le film de Paul, il est en train de décartir. Si l'année d'avant, le gars est venu ramasser mes feuilles, puis cette année, il voit que je suis malade, puis mes feuilles ne sont pas ramassées, il va peut-être dire, je vais aller ramasser ses feuilles, l'année prochaine, il va ramasser les miennes. Oui. Tu sais, il y a une espèce d'échange que je pourrais dire là, de calcul humain même. Ce n'est même pas l'amour, là, c'est juste du calcul humain. Là. Mais ici, Paul, il dit à Timothée, ce que Dieu a fait pour nous dans l'éternité passée et dans le présent, par l'incarnation, devrait être le stimulant à dire, je ne vais pas être timide, je vais agir pour lui, je vais marcher pour lui. Et voilà, ça, cette vérité-là, elle va revenir dans l'Épître à quelques reprises. Le verset 11, remarquez bien ce qu'il dit. C'est ce qu'il veut rentrer dans le cœur de Timothée, dans la pensée. C'est pour cet évangile-là que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, et c'est à cause de cela que je souffre. Voyez-vous, là, il fait son cercle. Souffre avec moi. Puis là, il dit la raison pourquoi lui, il souffre. J'ai été élu. Il est venu me sauver, finalement. Il s'est fait chair. Il a souffert la mort à la croix. Pour moi, il a souffert. Et j'ai été établi comme prédicateur de cet évangile-là. Et c'est à cause de cet évangile-là que j'accepte de souffrir. Il y a une logique, hein? Il y a une belle suite dans son idée, Paul. Donc, il dit, Timothée, si tu as vécu le même évangile que moi, souffre avec moi. Sauf pour le Seigneur Jésus-Christ qui a souffert pour toi et tout ce que Dieu a fait dans le passé. Puis si tu souffres pour quelqu'un, mettons, qui est invisible, ben, si ton voisin a ramassé une feuille, c'est concret. Mm-hmm. Mais tu souffres, là, c'est spirituel. Là, c'est comme donner parce que quand on voyait là, donner avec libéralité, c'est que tu donnes pour les choses qui ne sont pas visibles mm-hmm. parce que ton trésor il est dans le haut. Mais ça, on ne le voit pas non plus. Là. Mais, mais lui, il le rappelle à la manifestation. Il dit, tu l'as vu, on l'a vu. Dieu, il est venu s'incarner. Je te dis pas seulement de l'aimer à cause qu'il a fait dans l'éternité. Là. Ça, tu ne l'as pas vu. Mais ça s'est manifesté à un moment donné. Fait que ce qu'il a fait ici, c'est la manifestation de ce que tu n'avais pas vu dans l'éternité. Ça, c'est normal, tu n'as pas là personne. Mais là, il dit, tu peux dire ça parce que tu l'as vu. Il est venu. Il a fait des choses pendant qu'il était là. Il a dit des choses. Donc, notre foi n'est pas bâtie sur quelque chose qu'on n'a pas vu. J'avais déjà lu un livre. La foi qui est basée sur des événements historiques. Ma foi est basée sur des événements historiques. C'est pas basé dans les nuages à quelque part. Ah ben là, ils l'ont vu puis pas vu. Là. C'est dans le sens que nous autres, on le sait, là, mais c'est pas tout le monde qui l'a vu. Là. Non, c'est quoi, je comprends okay. ça. Mais nous autres, on croit des gens qui l'ont vu. Oui. Puis on lit des choses que des gens l'ont vu. Okay? À leur époque. Notre Bible, pas tout le temps toutes les Bibles, mais notre Bible a été écrite par des gens qui ont vu. C'est pour ça que pour mettre un 12e apôtre, quoi, il fallait qu'il ait vu Jésus pendant 3 ans, marcher avec lui, être enseigné par lui, de l'avoir vu, faire. Il faut qu'il ait été témoin. Et là, il a parlé à partir de ce qu'il a vu. Paul a vu. Et il a parlé avec Jésus, il a paru avec Jésus. On ne sait pas tout ce qu'il a fait avec Jésus pendant ces années-là, ces mois-là. Mais c'est pour ça que Luc va dire, je vais vous écrire un évangile et les actes des apôtres à partir de témoins oculaires. La foi, c'est basé sur des faits historiques, des événements historiques. Je peux aller chercher dans l'histoire des faits historiques, des villes, des places, des gens. Il existe une des raisons pourquoi Luc cite au temps de César l'Antipase, avant-ci, avant tel roi, avant... Il situe dans le temps, dans l'histoire, l'événement. Donc ici, on n'a pas inventé, c'est pas mythique ça, c'est pas Hercule qui est descendu du ciel, là, puis qui a fait des choses... Non, c'est dans le temps, là. J'avais lu un autre livre, ça s'appelait Jésus, un Jésus historique. Donc c'est quelque chose que les gens ont vu, qui ont touché, puis Jean va le dire lui-même dans son épître. Ce que nous avons vu et touché, sur lequel ma tête s'est reposée, c'est de lui que je vous parle. C'est des faits. Donc, quand on dit que la foi, là, c'est de croire des choses qu'on n'a jamais vues, c'est pas tout à fait ça que la Bible a dit. La foi est basée sur des choses qu'on a vues puis entendues, qu'on a touchées. La race humaine, je parle. OK? Donc, il dit, à cause de cela, je souffre ces choses, les choses qu'il est en prison, le rejet, le fouet, là, il va en mourir, si notre compréhension est bonne. Mais j'en ai point honte. Souvenez qu'il avait dit une fois déjà, n'aie pas honte. Il dit, moi, j'en ai point honte. Je suis dans ma prison, je suis attaché peut-être au mur, je ne sais pas où, et je continue à parler de l'Évangile, je continue, il y a notre cher Onésime là, qui s'est converti là, puis... C'est-tu Onésime? Oui, c'est Onésime qui s'est... Épître, Philémon, c'est ça. C'est Onésime qui s'est converti, puis il a envoyé une lettre à Philémon. Mais Paul a continué à parler, il n'a pas honte. Je n'ai pas honte pour la raison pour laquelle je suis ici. Je n'ai pas honte. Je sais pourquoi je suis ici, c'est à cause de l'Évangile que je prêche. Et il a été persécuté autant par les inconvertis que par des gens qui étaient dans les églises, qui étaient contre lui ou contre la façon qu'il a amené l'Évangile. Ou comme les juifs chrétiens étaient contre le fait que Paul emmène l'Évangile, la même Évangile, aux païens. Hey, c'est pour nous autres, ça, cet Évangile-là, c'est pas pour les païens. Et Paul était persécuté par les juifs chrétiens à cause de ça aussi. Car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé... Paul, c'est un homme de conviction, hein? On dit ça sur... Persuadé, convaincu, puis je suis persuadé... Il semble pas avoir grande hésitation dans son vocabulaire. Qu'il a la puissance, de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Oh, ben, de quoi qu'il parle, là? T'as vu tout le mot dépôt, garder mon dépôt? Oui, t'as vu tout ça? De quoi qu'il parle? J'en ai point honte. Là, il parle de l'Évangile. Car je sais en qui j'ai cru, Jésus, Dieu, et je suis persuadé, là, il pointe vers l'avenir, et je suis persuadé ou convaincu que Dieu a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Deux choses. Mon dépôt jusqu'à ce jour-là. De quoi il parle? Qu'est-ce que Paul... Il y a des Bibles, c'est pas difficile. Guétin, je suis pas mal sûr que ta Bible n'est pas t'as faite de même. Vas-y donc. Tu veux dire celle qu'on a parlé vendredi? N'importe laquelle, qui n'est pas comme la mienne. L'autre, celle que j'ai là. Est pareille? Est pareille. OK. Mais je peux aller voir l'autre. Parce qu'il y en a qui traduisent qu'il y a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a donné. De garder jusqu'au jour du jugement ce qu'il m'a confié. OK, donc, vois-tu là, c'est que Dieu m'a confié quelque chose, puis lui, Dieu va le garder ce qu'il m'a confié. Dans ma Bible, c'est Paul fait un dépôt auprès de Dieu. Puis Dieu dit, il va le garder. Voyez-vous donc, c'est différent, là. Donc, il y a deux Bibles, il y a deux traductions possibles. Donc, lequel fait le plus de sens dans notre contexte? Donc, il y a des Bibles qui disent, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié. Donc, Dieu m'a confié. Puis là, après, il va dire, garde le bon dépôt. Donc, il y a deux fois. Ouais, il dit, garde le bon dépôt. Là, il dit ça, c'est Paul qui dit ça à Timothée. Mais moi, je crois que c'est... J'étais voir les différentes traductions, je dirais que 90% des traductions traduisent « mon dépôt ». Il va garder « mon dépôt ». Et ça fait du sens. Lui, il m'a donné un dépôt à garder. Moi, je lui ai donné un dépôt à garder. Okay? Moi, je lui ai donné un dépôt à garder, et lui, il m'en a donné un aussi à garder. Donc, qu'est-ce que Paul a déposé auprès de Dieu? Quand tu fais un dépôt, c'est ce que ça veut dire. Tu vas déposer quelque chose auprès de quelqu'un. Oui. Vas-y donc, Gaétan. Mais je suis sans crainte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance, et je suis convaincu qu'il a le pouvoir de garder jusqu'au jour du jugement ce qu'il m'a confié. OK, donc, c'est ce qu'il m'a confié. Donc, ça veut dire que Dieu a confié quelque chose à Paul, et... Mais là, il confie à Paul quelque chose, mais là, il dira que c'est la puissance de Dieu qui va garder ce qu'il m'a confié. Ça serait quoi, ce dépôt-là? Tu rapportes à l'Évangile? Si ça serait l'Évangile, ben il m'a donné l'Évangile, puis Dieu a la puissance de garder l'Évangile. Ça fait drôle comme chose. Parce que si... Le dépôt qu'il m'a confié, on ne peut pas dire ce pourquoi Paul a été appelé. Il était appelé, lui, à présenter l'Évangile aux païens. Donc? C'est le dépôt qu'il m'a confié. Le travail, c'est le mandat du travail. Reçu, mais là, il dirait que le mandat que Dieu m'a confié, Dieu a la puissance de le garder jusqu'au jour de son retour. C'est pas bizarre? Non, mais lui, il ne dit pas que qu'est-ce que Dieu lui a confié, que lui, il va le garder jusqu'à son retour. Que c'est Dieu qui va le garder. Paul. Non, c'est Dieu qui dit. Ce que tu as lu, c'est Dieu qui va le garder. C'est pas Paul. Qu'il a la puissance de le garder. C'est pas j'ai la puissance. J'ai mis ma confiance et je suis convaincu. Ouais. Qu'il a le pouvoir de garder jusqu'au bout. C'est lui, c'est Dieu. Ouais. Donc Dieu aura confié à Paul d'évangéliser, mettons d'amener l'Évangile, puis Dieu a la puissance de garder ça. Enfin, un peu drôle. De... Ouais, là, ici, là. Oui. De garder mon dépôt. C'est comme si Paul... Ouais, c'est Paul qui a déposé. Ouais, ouais. Moi, c'est ça que j'ai dans ma Bible. Okay? Ouais. Paul a déposé quelque chose au pied de Dieu pour que Dieu le garde. Oui. Mais là, lui... Lui, il parle de d'autres choses. Il parle d'autres choses. Ouais. Il y a deux façons de voir le texte. Un, c'est mon dépôt, puis l'autre, c'est le dépôt. Ouais, parce que moi, j'ai le dépôt. Ouais. C'est que Dieu va garder ce qu'il m'a confié. C'est comme toi, tu dis, François, je te confie mon auto, mais Yvon a la puissance de garder l'auto qu'il m'a confié. Ça fait un peu drôle. Mais il y en a qui ont pris cette position-là. Il y a certaines Bibles qui ont traduit comme ça. Mais si c'est lui qui a la puissance de garder le dépôt, mais là, il dit quoi? jusqu'à ce jour-là. Ça parle de foi, là. Mais ça, c'est, de quel jour il parle? Oui, ça fait drôle. Comment ça que Dieu va garder quelque chose? Paul va être mort, ça fait longtemps, ça fait 2000 ans. Donc, qu'est-ce que Dieu garde pour Paul jusqu'au jour qui va venir? C'est le jour du jugement, c'est la fin des temps, ça. Mais qu'est-ce que Dieu va garder pour Paul? Qu'est-ce que vous avez donné à Dieu, vous autres? Qu'est-ce que vous avez donné à Dieu pour que Dieu le garde? C'est notre salut, notre vie, notre âme. On lui a donné notre vie. Garde mon âme, garde mon dépôt. Garde. Ce que moi je te donne, c'est ma vie, c'est mon âme, c'est mon salut. Toi, tu as le pouvoir de garder ce que tu m'as donné. OK? Tu as le pouvoir de garder. Tu m'as donné ça, moi je te le mets à tes pieds. Toi, tu as le pouvoir de garder. Il va le dire un peu plus loin. Il va dire à Timothée, Dieu a la puissance de me délivrer de toute œuvre mauvaise jusqu'à ce jour-là. Voyez-vous? Dieu va... Pas, il dit, Dieu va m'aider à faire son travail. Mais ici, c'est lui qui dépose. Moi, je dépose mon salut, ma confiance, mon salut éternel. Moi, j'ai déjà dit ça, j'ai confié à Dieu mon salut éternel, je ne peux pas rien faire de plus. C'est Dieu qui va garder mon âme, mon salut, mon avenir est entre ses mains, qu'on va dire des fois. Donc, moi, je crois que c'est plus ça qu'il faut penser, que de penser qu'il parle de l'Évangile ou de son ministère quelconque. Donc, c'est pas tout à fait... Il y a deux positions. Donc, c'est soit Dieu m'a confié quelque chose, puis il a la puissance de le garder. Mais là, on se posait la question un peu plus bas. Garde le bon dépôt, de quoi il me parle? Donc, ça s'attue l'inverse de l'autre. Moi, je crois qu'il dit, Paul, parce qu'on a vu, ce qu'on va voir? Je pense qu'on va... Non, c'est on va voir dans l'Épître, il va dire, quand Paul, il parle de son salut, puis de la récompense de son salut, c'est toujours à la fin des temps. C'est pas quand il meurt, en général. Puis dans le Nouveau Testament, quand les chrétiens, dans les Épîtres, ils parlent jamais que le salut, c'est quelque chose que tu reçois quand tu meurs. Pas vraiment. Il parle de ça, que c'est comme le jour qui va venir. Il dit, j'ai terminé la course, j'ai combattu le bon combat, la couronne de justice va m'être accordée en ce jour-là. C'est-à-dire, encore la même fois, il va recevoir la couronne de justice en ce jour-là. Pas le jour qu'il meurt, on dirait. De la façon qu'il parle. Je ne vous dis pas que ça va pas au ciel, là. Je ne vais pas dans la présence de Dieu. Okay? Je ne vous dis pas ça. Okay? Tout ce que je vous dis, c'est qu'il semble que ce qu'on veut avoir, ce qu'on désire avoir, la plénitude de ça, ça va se faire quand le jour du jugement, quand ça va se faire d'un nouveau sur une nouvelle terre. Là, je te donne tout ce que je t'avais dit que je te donnerais. En attendant, je t'ai mis dans j'appelle ça moi, un état second, on pourrait dire, où tu es en ma présence, mais c'est pas juste ça que je voulais te donner. Ce n'est pas juste d'être dans la présence de Dieu que Dieu voulait nous donner. Nous, on a souvent fait du salut. La présence de Dieu, c'est ça. D'être dans la présence de Dieu, ah, c'est ça le salut. C'est pas tout à fait ça que la Bible parle. Le salut, c'est un François régénéré, ressuscité dans les nouveaux sur nouvelles terres. Ça, c'est ça que je voulais pour toi. C'est ça que je voulais pour toi. Et ça, tu vas l'avoir à ce jour-là, le jour que je vais venir te chercher. Je vais t'emmener dans les nouveaux sur nouvelles terres. Donc, c'est pour ça que j'avais remarqué ça, puis ce matin, quand j'écoutais M. Carson, il dit, l'Apocalypse parle à des chrétiens qui ont vécu il y a 2000 ans, mais parle de toujours à la fin. Est-ce qui va se passer à la fin? Est-ce qui va se passer à la fin? Il ne dit pas qu'est-ce qui va se passer quand vous allez mourir. Nous autres, on a réduit le salut. Qu'est-ce qui va se passer quand on meurt? Okay? Il dit, si tu meurs à soir, t'en vas-tu au ciel, toi, là? Tu sais, on disait ça souvent. Si tu meurs à soir, t'en vas-tu au ciel? C'est comme ça qu'on a pensé et on a évangélisé. Mais l'apôtre Paul, il ne parle pas comme ça dans le Nouveau Testament. Mais, généralement, du moins. Mais il dit que le but, je me suis posé la question dernièrement là-dessus, pourquoi les chrétiens hésitent devant la mort? Même si on sait que la mort est un gain, même si on sait Paul il dit, s'en aller avec le Seigneur, c'est de loin le meilleur. Mais quand il nous ouvre la porte et il dit rentre, on recule d'un pas et on dit, on peut-tu faire un autre 15 ans, on peut-tu faire un autre 10 ans, on fait comme le roi dans Ézéchias dans l'Ancien Testament. Mais je me suis posé la question, pourquoi que c'est comme ça? Pourquoi on pense de même, même si on sait que le bonheur, c'est de l'autre bord, c'est avec Dieu. Mais pourtant, on réagit d'une façon qui dit... Je dis, ben oui, mais si tu dis que l'autre bord du mur, c'est le paradis sur la terre, pourquoi tu hésites à traverser le mur? Traverse! Oui, mais... Hein? Puis quand j'ai accompagné des gens qui étaient pour mourir dans la foi, là, des chrétiens, j'ai tout vu ça, tout le temps. Jusqu'à temps qu'ils sont assez drogués, qu'ils n'y pensent plus. Mais sur le coup, là, tout le monde hésite un peu devant ça. Devant ce départ et l'autre bord. C'est, donc, je ne voulais pas partager. Je l'ai partagé, je pense, avec Gaétan. Mais je vais partager ça à un moment donné. Qu'est-ce que j'ai tiré comme conclusion là-dessus, qui m'a aidé, pour moi, à accepter ce que je vis. De ne pas remettre en question ma foi à cause des troubles spirituels, des doutes, des difficultés, de l'acceptation. Pourquoi je pas, quand on me dit tu vas mourir, pourquoi j'ai pas fait yes, yes, c'est à mon tour, enfin c'est à mon tour, il vient me chercher. Pourquoi j'ai pas fait ça? Moi, je voulais avoir une réponse à ça, logique dans ma tête. Et bon, j'en ai trouvé une pour moi. Ce n'est peut-être pas logique pour vous autres, mais j'en ai trouvé une pour moi. Donc, je vous partage ça à un moment donné. C'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte. Dieu a la puissance de garder mon épaule. Moi, je crois que Dieu, Paul a dit, moi, je me confie en toi, Seigneur, pour mon salut. OK, je te dépose mon salut, ma vie, mon âme, c'est toi qui s'occupe de ça. Toi, tu m'as donné une responsabilité pendant que je suis ici, c'est de garder le bon épaule, l'autre côté de la médaille. Moi, j'appelle ça comme ça. Là, tu sais ce qu'il va dire? En ce jour-là, là, c'est le retour du Seigneur, on va le voir à 2-3 reprises dans l'Épître. Vous allez voir que la seule façon de le voir, il parle du retour du Seigneur. Fait que quand il parle à Timothée, il ne l'encourage pas par le départ de cette vie. Il l'encourage par le jour du Seigneur. Mais vous, il y a une différence entre les deux. C'est comme si moi, si je suis devant la mort pour dire « Ah, François, tu t'en vas avec le Seigneur demain matin. » Là, tu m'encourages avec le présent. Mais lui, il dit, il semble dire « Non, au retour du Seigneur, ah ouais, mais ça me semble un peu loin, tu sais, là. Mais, en tout cas. Et c'est pour ça que, en tout cas, je vous partage ça maintenant. Au verset 13, « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. » Donc, là, il dit « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. » Donc, retiens ce que je t'ai donné comme enseignement. C'est, retiens ça. Retiens ça dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus. Donc, ce que je t'ai donné, ça sort de Jésus, là, ça vient de Jésus, c'est l'enseignement de Jésus. Là. C'est ce que Jésus a accompli. Là. Donc, il appelle ça, lui, le modèle des saintes paroles, ce qu'on pourrait dire, nous autres, la Bible aujourd'hui. Donc, là, il dit au verset 14, « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Voyez-vous, il répète ça à chaque fois. Tout à l'heure, c'est « par la puissance de Dieu ». Puis ici, il dit « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite. » Donc, il y a une complicité entre le croyant et l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est pas que l'apôtre Paul il va dire « Nous sommes co-ouvriers avec Dieu ». C'est pas « Je regarde Dieu travailler ». Je suis un co-ouvrier avec Dieu. Donc, il dit, garde le bon dépôt de la foi, du dépôt que tu as reçu de l'Évangile. Dieu, garde ton dépôt. Toi, garde les dépôts qu'il t'a donnés. L'Évangile ou la parole de Dieu ou la foi ou les paroles de foi que Paul a transmises. Mais ça va se faire par le Saint-Esprit. Parce que ce qui nous est demandé de garder le bon dépôt ou l'Évangile, c'est quelque chose de spirituel. C'est pas quelque chose qui se fait comme je te conférais un auto ou une maison ou de l'argent. Ça, c'est dans le concret. Fait que tu pourrais dire, engage-toi un bon avocat, engage-toi un bon comptable, je pourrais dire des choses de même, puis ça sera correct. Mais là, quand je te dis, garde l'Évangile, garde le bon dépôt, là, j'ai besoin d'outils, j'ai besoin d'instruments, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider à le faire. Et c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Et le Saint-Esprit On y pense pas souvent. Hein. Il fait bien son rôle. Il fait son rôle d'une façon qu'on n'y pense pas. C'est comme, je dirais, le détecteur de fumée. Il est silencieux. Puis à un moment donné, tu l'entends crier. Il a joué son rôle. Tu l'avais oublié pendant des mois, peut-être, mais il a joué son rôle. Mais le Saint-Esprit, c'est quelque chose en dedans de nous qui est toujours à l'œuvre 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Il est toujours là. Donc, c'est Paul, il dit à Timothée, il faut que tu t'appuies sur la puissance de Dieu, il faut que tu t'appuies sur le Saint-Esprit pour pouvoir vivre la vie chrétienne que tu devrais vivre. Et c'est souvent, on se pose la question, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que si je l'ai, comment ça se fait que je ne vis pas? C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, Paul se pose la question, comment ça, Timothée, si tu as le Saint-Esprit qui est en toi, pourquoi tu ne le vis pas? Pourquoi tu es obligé de te dire de ranimer le don? Donc, on a vu une chose. Une des choses que moi, je vous dis qui vient entre les deux, là, c'est la souffrance. Souffrir pour Dieu, c'est quelque chose qui peut nous bloquer. Ça ne bloque pas le Saint-Esprit. Ça nous bloque nous. On a peur. On a honte, parce que la honte, elle peut causer toutes sortes de choses. On est comme le pied sur le break. Parce qu'il y a souffrance qui va accompagner. Ça peut être de différentes façons, de différentes intensités, mais il y a souffrance. On peut pas. On vit dans un monde de ténèbres. On vit avec des gens qui ne croient pas en Dieu. On vit des gens. Ce matin, ma soeur, avant de partir, après le déjeuner, elle veut m'encourager. Puis là, elle ne sait plus comment le dire parce qu'elle sait ce que je pense. Je vais t'envoyer, là, vous la dire, des ondes, tu sais, des positifs, là. Là, que ça se passe bien. C'est elle qui avait un peu honte de me dire ce qu'elle pensait ce coup-là, là, parce qu'elle sait que les ondes positifs, là, moi, là. Il y a de l'électricité qui envoie des ondes, mais moi, là, les êtres humains n'envoient pas des ondes. Mais c'est que. Donc, c'est apprendre. Et pourquoi le Saint-Esprit, si je l'ai, peut-être que vous êtes déjà posé la question. J'ai la puissance de Dieu en moi, pourquoi j'hésite? Pourquoi je ne le fais pas? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Essayer de trouver une solution, de comprendre le fonctionnement entre le fait d'avoir la puissance de Dieu en moi et le fait que j'hésite. C'est comprendre comment on vit la vie chrétienne entre les deux chaises. Moi, j'appelle ça les deux chaises ou les deux natures. J'en ai déjà parlé. Puis je parle avec des chrétiens un peu partout, des fois, puis c'est toujours la même difficulté. Comment apprendre à vivre la vie, comprendre la vie chrétienne et vivre la vie chrétienne avec les deux natures que nous avons. Une nature qui veut tellement aimer Dieu, servir Dieu, puis l'autre qui veut tellement pas faire ça. Okay, donc, puis de vivre avec ça, d'apprendre à dealer avec ça, hein, et c'est un apprentissage, je dirais. Puis d'apprendre une connaissance de comment ça se passe. Tu sais, garde le bon dépôt. Le bon dépôt, on est tous d'accord, c'est l'Évangile, c'est la parole de Dieu. C'est comme garde les paroles de foi qu'on a parlé tout à l'heure. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Oh! Donc, ça veut dire qu'il y en a une gang qui n'ont pas eu, qui n'ont pas fait ce que Paul était en train de dire à Timothée. Là, Paul, il va dire, « N'aie pas honte, Timothée. J'ai pas eu honte. Il y a des gens qui ont eu honte. Puis Onésiphore, il n'a pas eu honte. » Fait qu'on parle toujours de honte, là. On parle toujours de ça. Chapitre 1, moi, j'ai marqué dans mon titre à moi, « N'aie pas honte, Timothée. » C'est ça que le chapitre parle. N'aie pas honte, Timothée, de Dieu, de Jésus et de moi. Donc, il y en a une gang, on n'a pas clairement le quoi, pourquoi ils ont abandonné, ici, abandonné Paul, mais on va voir que, je pense que c'est Phygèle qu'on va le voir un peu plus loin. Phygèle avait abandonné Paul parce qu'il avait adhéré à des doctrines fausses. Il va dire, il enseigne que la résurrection est déjà venue. Et il détourne de la foi des gens. Donc, abandonner ne veut pas dire retourner au bordel. Abandonner ne veut pas dire je quitte l'Église. Non, tu peux rester dans l'Église, fonctionner dans l'Église, et tu as déjà abandonné la foi. Donc, c'est ça qu'il est en train de dire ici. Il dit, c'est pas un, il dit, mais tu sais que tous ceux qui sont en Asie vont avoir un essai. C'est fort comme description. Et entre autres, il y en a deux qui ont abandonné l'apôtre Paul. Paul n'est pas en train de dire, « Oh, pauvre de moi, c'est, ils m'ont abandonné, ils sont plus avec moi, ils ont été dans une autre église. » Non, pour lui, c'est abandonner Paul, c'est abandonner l'enseignement de Paul. C'est ça dont il est en train de parler. C'est ça qui va nous ramener un peu plus loin. Donc, c'est... Puis là, il va mettre en comparaison, au verset 16, « Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore. Car il m'a souvent consolé, il n'a pas eu honte de mes chaînes. » On revient avec cette honte-là. Hein? Il dit, les autres ont eu honte, puis ils m'ont abandonné. Puis Onésiphore, lui, puis vous allez voir un peu plus loin qu'Onésiphore vient d'Éphèse. Il vient de la même église que Timothée était. Il vient de là. Donc, il dit, lui, il n'a pas honte. Il est venu à Rome me voir. Il a traversé quelques kilomètres pour venir me voir. Puis il m'a recherché. Donc, il dit, là, remarquez bien ce que Paul dit, que la miséricorde de Dieu se répande sur la maison d'Onésiphore. C'est un genre de paratonnerre, c'est quoi cette affaire-là? Puis il va revenir avec ça un peu plus loin. Il dit que Dieu répande quoi? La miséricorde sur la maison, sur sa maison et sa famille, il faut croire, ça doit être ça qui parle. Donc, je crois qu'il demande que Dieu, ce qu'on dit de fois, on va dire que Dieu bénisse, que Dieu conduise, que Dieu soutienne Onésiphore dans sa vie chrétienne. Car, pourquoi qu'il veut ça? Car il m'a souvent consolé. Bon, Paul, il n'a pas honte, mais il est triste des fois. C'est drôle, hein? On a de la misère à s'imaginer Paul. Parce que moi, consoler, ça veut dire ça, là. Tu ne consoles pas quelqu'un qui n'est pas triste. Hein? Ça ne doit pas être facile aussi dans la prison. Donc, ça veut dire que Paul aussi avait des moments de difficulté. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui l'a rendu triste? Il y a toutes sortes de données. Ce n'est pas marqué. Fait que faisons attention. On a droit à nos opinions, mais il faut faire attention. Il y en a qui disent il est triste parce que les chrétiens ne suivent pas Dieu. Il est triste parce que les églises ne fonctionnent pas bien. Il est triste parce que les gens l'ont abandonné. Il y a toutes sortes de tristesses là, que les gens pensent. Mais ça, le texte ne nous le dit pas. Fait qu'on n'a pas besoin de le savoir pour comprendre le texte. La question, c'est Onésiphore. Il n'a pas eu honte, puis il est allé voir Paul. Puis Paul avait besoin d'être consolé, puis il l'a consolé. Peut-être juste par sa présence. Juste le fait d'aller le voir, puis ça l'a encouragé. Lui a emmené des nouvelles d'Éphèse, peut-être, puis ça l'a encouragé. C'est-tu lui qui a emmené des nouvelles de Timothée, puis il va ramener la lettre, la deuxième lettre, peut-être aussi. Mais il dit, il m'a souvent, donc ce n'était pas la première fois, il m'a souvent consolé à travers les années. Il y en a qu'on a vu qui ont le don de la consolation, de l'encouragement. Il y en a qui ont cette capacité de consoler les gens. Et je crois que Paul, je prends pour acquis que c'est un être humain. Je prends pour acquis qu'il est un pécheur. Donc, puis un chrétien en même temps. Puis je sais qu'il a vécu des choses difficiles, tribulation, souffrance, prison, abandon, remise en question. Vivre la mort entouré de gens qu'on aime, c'est même pas facile. Vivre la mort abandonné de tous, puis avec des gens qui taillissent, ça doit pas être facile non plus. Parce que lui, il est en prison, puis il est taillé par de tous en entour, puis il fait face à la mort pareil. Et il voit arriver un qui vient le consoler, puis il vient l'encourager. Il pète le feu. Yes, sir. Il y a au moins un qui vient me voir, qui vient m'encourager. Donc, il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. C'est ça que le but du texte. Là. N'en voulant un qui n'a pas eu honte. Non. Au contraire, il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Fait que pour moi, il n'y avait pas eu de texto pour dire quelle prison qu'il était. Mais il l'a cherché, puis finalement, il a fini par le trouver. Mais il n'a pas lâché jusqu'à temps qu'il l'ait trouvé. Et ça l'a consolé Paul, ça l'a encouragé Paul. Et moi, je crois que qui a emmené des nouvelles. Parce que quand les chrétiens voyageaient comme ça, ils arrêtaient d'une ville à l'autre, d'une place à l'autre, jusqu'à des églises, puis ils ramassaient des nouvelles, ils se parlaient, ils s'encourageaient. On le voit dans les Actes des Apôtres, c'est ça qu'ils faisaient. Pour ça, dans une ville avec des chrétiens, on arrêtait à manger là, on parlait, on s'encourageait, on priait ensemble, on s'en allait plus loin. C'est quoi que c'est ça que Onésiphore a fait? Puis Onésiphore, donc, est arrivé avec un bagage de nouvelles, des fois encourageantes, des fois moins encourageantes, mais il est arrivé. Mais Paul, il semble dire qu'il a été consolé par Onésiphore. Et dans ce sens-là. Là, il dit que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tout à l'heure, c'était que la miséricorde se répande sur sa maison, là, maintenant, pendant qu'il vivait. Mais il dit, à la fin des temps, j'espère que le Seigneur va lui donner miséricorde. Il ne dit pas « j'espère », là. C'est... Mais il dit « que le Seigneur lui donne... » Pourquoi il dit ça? C'est comme Paul, il dit « que le Seigneur lui donne miséricorde en ce jour-là. » C'est le même jour que tout à l'heure, hein? C'est pas, on n'a pas le choix, là. Voyez-vous comment il parle au futur? Il ne dit pas « j'espère que le Seigneur va lui donner miséricorde, mais qu'il meurt dans quelques années, dans quelques temps. » Non, en ce jour-là. Sais-tu parce que Paul voyait ce jour-là plus proche que nous? T'sais, lui, s'il le voyait imminent, peut-être qu'il dit c'est pas si loin que ça, que le Seigneur va lui donner. T'sais. Bon, peut-être c'est ça. Mais tout de même, la bénédiction que le chrétien attend, c'est pas juste de partir pour aller au ciel comme tel. C'est partir pour aller dans le monde qui a été prévu pour ça, les nouveaux cieux, nouvelle terre, au retour du Seigneur Jésus-Christ. Tu sais mieux que personne, combien de services il m'a rendu à Éphèse. Donc, Onésime semblait être un homme qui s'était attaché à Paul. Puis il l'aidait. De toutes sortes de façons, il l'aidait. Pour aider Paul à faire son ministère, il l'aidait. Et puis là, quand il a su qu'il était en prison à Rome, il semble faire son bagage, puis il monte à Rome pour aller encourager Paul. Et Paul est content de le voir. Et je pense personnellement qu'il l'a peut-être renvoyé avec une lettre pour Timothée. Et lui dire, ben, ramène donc ça à Timothée. Je pense, ça peut être ça. Mm-hmm. Mais voyez-vous la différence entre Onésiphore et Timothée? Il y a une différence entre les deux. Et là, un qui hésite, il a laissé son feu s'éteindre un peu. Il hésite, il a un peu honte du témoignage à rendre, il a un peu honte de Paul comme prisonnier. Puis, il y en a une gang qui ont abandonné Paul. Et là, tout d'un coup, il y en a deux qui l'ont abandonné, puis il y en a un qui ne l'a pas abandonné, qui était Onésiphore. Il dit, lui, il est venu me voir, puis il m'a encouragé, Paul m'a prié avec moi, fait quelque chose ensemble. Puis, c'était l'histoire de la vie d'Onésiphore. C'est pas qu'Onésiphore fait ça une fois. Parce que pendant que Paul était à Éphèse, il dit, souvent il m'a consolé, puis souvent il m'a rendu service. Donc, c'était sa façon de vivre la vie chrétienne. Mais qu'est-ce que. Là, je reviens au début du verset 18. Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là? Ça se limite. Tu as-tu la même chose que moi? Oui, avant. Mais que le Seigneur donne qu'il aille auprès du Seigneur. Quand il va arriver auprès du Seigneur. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il va lui donner? Il va lui donner la miséricorde. C'est ça que Paul dit. Que le Seigneur lui donne d'obtenir. C'est comme si Paul. Il parle avec moins de certitude de que je suis persuadé que Dieu va lui donner miséricorde, mais qu'il arrive. Là, il dit que cela lui donne d'obtenir miséricorde. Et auprès du Seigneur en ce jour-là. Je crois que Paul voit ce qu'il est en train de dire. J'espère que Onésiphore va continuer comme ça jusqu'à la fin. Qu'il va obtenir miséricorde à la fin. Il va en parler un peu plus loin dans l'Épître. Les mêmes choses. Quand j'ai médité sur Paul, il dit, j'ai la certitude que Dieu va me délivrer de toute œuvre mauvaise pour que j'arrive devant lui au jour du Seigneur. Paul, il ne parle pas sauver, pas de problème avec ça. Non, il dit, Je crois que Dieu, il va arriver des choses là, qui vont m'amener à remettre en question. Mais je crois que Dieu a la puissance de me garder de toute œuvre mauvaise. Il n'est pas en train de dire, j'espère qu'il va me garder, je ne ferai plus de péché jusqu'à temps que je meurs. L'œuvre mauvaise, c'est d'abandonner. Paul, vous souvenez qu'il a déjà dit ailleurs, je traite durement mon corps afin de ne pas être rejeté après avoir commencé. Nous autres, on n'a pas souvent ce langage-là en termes de chrétiens. On essaie de se rassurer plutôt de dire je me fais des choses. Je ne pense pas qu'il était flagellant, là. Mais Paul, il voit que sa chair est contre Dieu. Donc, il prend des moyens pour combattre la chair. Puis, une des façons de combattre la chair, c'est l'Église. Vous ne pourrez pas le faire tout seul chez vous. C'est impossible. Vous ne pourrez pas le faire tout seul chez vous. Si Paul a besoin d'être consolé, vous avez besoin d'être consolé. Vous avez besoin d'être fortifié. Vous avez besoin d'être... C'est vraiment important qu'on comprenne ça. De pouvoir voir qu'on a besoin les uns les autres pour pouvoir finir la course dans la foi. On a besoin les uns les autres. Donc, c'est important pour qu'on comprenne ça. Donc, Paul, que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde, donc d'obtenir s'il continue. S'il ne fait pas comme les autres, abandonner à un moment donné, parce que si d'autres ont abandonné, ça veut dire qu'on est fort pour abandonner quelque part. C'est que nous autres, on s'est formulé des phrases pour dire que ça ne peut pas nous arriver. Au lieu de dire, ça l'est arrivé dans la Bible, des gens qui ont travaillé avec Paul, puis finalement, ils ont abandonné Paul, puis ils ont abandonné la foi. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Et je crois qu'Onésiphore, c'est pas le but du texte, là, j'extrapole le texte, a été autant encouragé par Paul quand il était les visiter en prison. Donc, Paul n'a pas juste été la censure, puis Onésiphore n'a rien retiré de ça. Non, je crois qu'ils ont parlé ensemble, se sont encouragés ensemble, se sont fortifiés ensemble, ont prié ensemble, je ne sais pas quoi. Paul lui a donné un petit coup rapide avant qu'il retourne. Parce que c'est. Il y a un effet de mutuel dans nos rencontres pour pouvoir s'encourager à continuer dans la foi. Surtout dans les moments difficiles. C'est pas de s'isoler dans les moments difficiles, c'est de rechercher la compagnie des frères et sœurs dans les moments difficiles. Moi, ce que j'ai vu souvent, c'est que les chrétiens, quand ils passent des temps difficiles, se retirent des églises. Plutôt d'aller, j'ai encore besoin plus de l'église. Ça veut pas dire que tu vas voir tout le monde, mais tu vas aller voir quelqu'un qui peut m'encourager, quelqu'un qui peut m'édifier, quelqu'un qui peut m'instruire. J'ai des questions, j'ai pas de réponse, je me pose des questions. Et bien, je vais aller voir quelqu'un que je pense qui pourra m'aider pour pouvoir continuer la course. Je ne peux pas la faire toute seule, cette course-là. Si on extrapole encore, François... Tu n'as pas le droit d'extrapoler avec la Bible. Tu n'as pas le droit d'extrapoler avec la Bible. Dans la même chance que tu as. Onésiphore, il semble être vraiment attaché, comme tu disais, à Paul. Puis lui, de prendre toutes les démarches pour ça, sachant qu'il est à Rome en prison, pour aller le voir, pour l'encourager... Dans sa tête, la tête à qui, là? À Onésiphore. Okay. Il devait penser qu'en allant voir Paul, que lui-ci bénéficierait de cette rencontre. Peut-être. C'est pour ça que je dis. Mais son expérience passée de ses rencontres avec Paul, c'est ça qu'il va imaginer. S'il avait déjà été encouragé, instruit avec Paul, puis stimulé dans la foi, mais il pense que ça va se faire aussi là. Mais je crois qu'il part avec une intention de trouver Paul. Ça, c'était son premier... Parce que, j'ai déjà dit, souvent, la prison, là-bas, tu étais livré à toi-même. Il fallait être des gens qui viennent prendre soin de toi dans la prison. Tu n'avais pas l'Internet, la TV, puis les masseurs, les professeurs. Tu n'avais pas de main, ça se passait dans le temps. Donc, il y avait des gens qui s'occupaient de toi, qui venaient de l'extérieur, qui t'amenaient à manger. Puis là, il va le dire un peu plus loin. Luc seul était avec moi. Luc était avec lui. Donc, il va... S'il était malade, mais Luc va en prendre soin, Luc va travailler, il va y amener de la bouffe, il va prendre soin de lui pendant qu'il est en prison. Parce que c'était pas un système social comme aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, c'est les gouvernements qui s'occupent des prisons. Dans ce temps-là, c'était pas tout à fait de même. Donc, ça, tu comptais sur les gens que tu connaissais qui vont venir. Puis c'est qu'ils t'abandonnent, là, tu vas dire, « Moi, crevé de faim dans mon trou, si ça continue. » Donc, ça prend quelqu'un qui va venir t'aider. Donc, on va terminer dans la prière. Notre bon Père du ciel, ce que tu nous demandes, ce n'est pas basé sur le vide, c'est basé sur ce que tu as fait pour nous dans l'éternité passée et dans l'incarnation de Jésus-Christ. Tu as souffert pour nous. Tu as souffert pour notre salut. Tu as souffert pour qu'on puisse être un jour dans la présence de Dieu et le servir. Donc, Seigneur, un peu comme Paul encourage Timothée, donne-nous de ne pas avoir honte du témoignage à rendre à notre Sauveur. Et qu'on puisse porter la flamme, je pourrais dire, fièrement. Et, mais qu'on ne soit pas non plus des hypocrites qui font un semblant, mais qu'on soit, quand on le fait avec conviction, on le fait avec, avec amour pour Dieu. Et donne-nous aussi cette, ce désir ou cette compréhension qu'on a besoin les uns des autres pour marcher dans cette foi, dans ce chemin que tu as préparé pour nous. Merci Seigneur que même dans les années passées, depuis chacun d'entre nous, depuis des dizaines, peut-être des trentaines d'années qu'on est des croyants, il y a eu des onisiphores dans nos vies aussi qui nous ont encouragés. On te remercie pour ces gens-là qui nous ont encouragés à travers les années à continuer et qui vont le faire encore dans les années qui viennent. Puisses-tu être béni éternellement. Amen. Qui était? J'aimerais ça, si vous voulez, on pourrait tourner dans Éphésiens 2, les versets 1 à 10. Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, envers Jésus-Christ, car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Souvent, quand on lit tel ou tel passage dans la Bible, il y a des versets qui nous parlent plus, qui nous touchent plus ou qu'on retient plus. Et dans le passage qu'on vient de lire, il y a deux versets, moi, que je trouve que je trouve bien. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bien, mais ces deux-là, ils sont comme un peu particuliers. C'est le verset 5 et 6. Il dit, « Nous étions morts par nos offenses, et il nous a rendus vivants en Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. » Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. Je trouve que ces deux versets-là sont très bien. Les aussi sont très bien. C'est vraiment un petit peu particulier. Puis ça, des fois, je me dis, ça dépend de qu'est-ce qu'on pourrait vivre dans telle occasion dans nos vies. Oups. À ce moment-là, ça va peut-être nous parler un peu plus. On va être plus attiré, sans que, comme je disais, que les autres ne sont pas corrects. Mais dépendamment aussi des fois, comment est-ce qu'on peut vivre. Aujourd'hui, on va se rappeler en partageant le pain et le vin, on va se rappeler de Jésus. On va se rappeler que pour qu'on puisse lire ce qu'on vient de lire, lui, il a fallu qu'il souffre, qu'il passe par la croix. Et c'est la façon qui avait été planifiée de toute éternité pour que la paix avec Dieu soit établie. Puis pour que, de cette façon, on puisse devenir les adorateurs et les serviteurs de ce Dieu. Je demanderais à Yvon et Chantal s'ils veulent passer les éléments. On a besoin de se rappeler ça. Merci Seigneur que nous qui sommes réunis ici, on puisse le faire comme on pourrait dire d'une façon à toutes les semaines, on peut, quand on est réunis, on prend le temps de prendre ce repas et de se rappeler Jésus. Et on a besoin de ça. On a besoin de prendre un temps comme ça pour se rappeler Jésus. Si ce Jésus-là n'est pas là dans nos vies, il n'y a rien. Il ne sert à rien. Prenons ça. Le dernier repas qu'il a pris avec ses disciples, il a pris le pain, il l'a tranché, il le sépara, il le partagea avec ses disciples en disant, « Prenez et mangez ceci et mon corps livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe, la partagea également avec ses disciples en disant, « Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle, versé pour vous. » Prenons quelques instants pour méditer. Et après, je demanderai à François s'il va terminer par le prix. Notre bon Père du ciel, quel beau passage qui était en lui. À cause du sacrifice de Jésus-Christ, à la croix, nous avons été déclarés justes. Et maintenant, nous avons accès dans les cieux en Jésus-Christ. Nous avons accès auprès du Père. Sans qu'on ait fait quoi que ce soit, comme on a lu dans Timothée, c'est par la foi que nous sommes sauvés, ce n'est pas par les œuvres, on n'a rien fait pour que nous puisses nous justifier, accepter le fait de croire. On te remercie, Seigneur. Et que ceci, ces vérités, ces belles vérités qu'on vient de lire, puissent s'accomplir encore une fois en nous, ce que Paul voulait que ça accomplisse en Timothée. Qu'on soit fier, qu'on soit heureux, content de t'appartenir. Et que, comme des milliers de gens sur la terre portent des calottes, des gilets pour montrer leur héros, nous, c'est Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur. Qu'on soit fier de dire, c'est en lui que je crois. C'est en lui que j'ai mis mon dépôt. Mon salut est en lui. Et je crois qu'il a le pouvoir de garder ce dépôt jusqu'au jour de son retour. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.